Deuxième livre des Chroniques, chapitre 28. Achaz était âgé de 20 ans quand il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem, mais il ne fit point ce qui est droit devant l'Éternel, comme avait fait David son père. Mais il suivit le train des rois d'Israël, et même il fit des images de fonte au Baal. Il fit aussi des encensements dans la vallée du fils d'Hinnom, et fit brûler de ses fils au feu, selon les abominations des nations, que l'Éternel avait chassé de devant les enfants d'Israël. Il sacrifiait aussi et faisait des encensements dans les hauts lieux, et sur les coteaux, et sous tout arbre verdoyant. C'est pourquoi l'Éternel son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, tellement que les Syriens le défirent, et prirent sur lui un grand nombre de prisonniers, qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui fit une grande plaie à son royaume. Car Pekach fils de Remalia, tua en un jour 20 000 hommes de ceux de Juda, tout vaillant homme, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel le Dieu de leur père. Et Zikri, homme puissant d'Ephraïm, tua Maaséja fils du roi, et Azricam qui avait la conduite de la maison, et Elkana qui tenait le second rang après le roi. Et les enfants d'Israël emmenèrent prisonniers, de leurs frères, 200 000 personnes, tant femmes, que fils et filles, et ils firent aussi sur eux un gros butin, et ils amenèrent le butin à Samarie. Or il y avait là un prophète de l'Éternel, nommé Oded, lequel sortit au devant de cette armée, qui s'en allait entrer à Samarie, et leur dit, « Voici, l'Éternel le Dieu de vos pères, étant indigné contre Juda, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués en furie, de sorte que cela est parvenu jusqu'aux cieux. Et maintenant vous faites votre compte de vous assujettir pour serviteurs et pour servantes, les enfants de Juda et de Jérusalem, n'est-ce pas vous seuls qui êtes coupables envers l'Éternel votre Dieu? Maintenant donc écoutez-moi, et ramenez les prisonniers que vous avez pris d'entre vos frères, car l'ardeur de la colère de l'Éternel est sur vous. » Alors quelques-uns des chefs des enfants d'Ephraïm, savoir Azaria fils de Jéhoanan, Bérécia fils de Mésiémoth, Ézéchia fils de Salom, et Amasa fils d'Adlaï, se levèrent contre ceux qui retournaient de la guerre, et leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici ces prisonniers, car vous prétendez nous rendre coupables devant l'Éternel, en ajoutant ceci à nos péchés et à notre crime. Bien que nous soyons très coupables, et que l'ardeur de la colère de l'Éternel soit grande sur Israël. » Alors les soldats abandonnèrent les prisonniers, et le butin, devant les principaux et toute l'assemblée. Et ces hommes qui ont été ci-dessus nommés par leur nom, se levèrent et prirent les prisonniers, et revêtirent des dépouilles tous ceux d'entre eux qui étaient nus, et quand ils les eurent vêtus et chaussés, et qu'ils leur eurent donné à manger et à boire, et qu'ils les eurent oints, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui ne se pouvaient pas soutenir, et les amenèrent à Jéricho, la ville des palmes, chez leurs frères, puis ils s'en retournèrent à Samarie. En ce temps-là le roi Achaz envoya vers le roi d'Assyrie, afin qu'il lui donnât du secours. Car outre cela les Iduméens étaient venus, et avaient battu ceux de Juda, et en avaient emmené des prisonniers. Les Philistins aussi s'étaient jetés sur les villes de la campagne, et du midi de Juda, et avaient pris Bethsem, Ajalon, Guédéroth, Soco, et les villes de son ressort, Tana, et les villes de son ressort, et Guinzo, et les villes de son ressort, et ils habitaient là. Car l'Éternel avait abaissé Juda, à cause d'Achaz roi d'Israël, parce qu'il avait détourné Juda du service de Dieu, et s'était entièrement adonné à pécher contre l'Éternel. Ainsi Tiogath-Pilnésé roi d'Assyrie vint vers lui, mais il l'opprima, bien loin de le fortifier. Car Achaz prit une partie des trésors de la maison de l'Éternel, et de la maison royale, et des principaux du peuple, et les donna au roi d'Assyrie, qui cependant ne le secourut point. Et dans le temps qu'on l'affligeait, il continuait toujours à pécher de plus en plus contre l'Éternel, c'était toujours le roi Achaz. Car il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait battu, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie les secourent, je leur sacrifierai, afin qu'ils me secourent aussi, mais ils furent cause de sa chute, et de celle de tout Israël. » Et Achaz prit tous les vaisseaux de la maison de Dieu, et les brisa, les vaisseaux, dis-je, de la maison de Dieu, et il ferma les portes de la maison de l'Éternel, et se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Et il fit des hauts lieux dans chaque ville de Juda, pour faire des encensements à d'autres dieux, et il irrita l'Éternel le Dieu de ses pères. Quant au reste de ses faits, et à toutes ses actions, tant les premières que les dernières, voilà, Toutes ces choses sont écrites au livre des rois de Juda et d'Israël. Puis Achaz s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit en la cité, à Jérusalem, mais on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël, et Ézéchia son fils régna en sa place.